بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف aujourd'hui le 9 du mois de Ramadan de l'année 1440 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pu assister à cette allocution de notre cheikh Abdel Qadir ibn Mohammed al-Gunayd habidahullahu ta'ala. Comme on a eu un petit peu de retard pour l'appel, le cheikh il a écourté un petit peu son cours, donc comme vous voyez il a duré un petit quart d'heure, mais alhamdoulilah c'est un grand bienfait que nous avons pu écouter ce cheikh qui nous a donné un petit peu de son temps pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Et comme tous les ans depuis maintenant 8 ans, on va faire ces appels téléphoniques, on va essayer de mettre 2 ou 3 appels par semaine, Inch'Allah ta'ala. Cet appel était le deuxième de ce mois ou de cette année 1440 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le premier dans la mosquée Majid al-Sunna de la ville de Montreuil. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiq al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Comme on a l'habitude de faire à l'introduction ou avant la traduction des appels que nous faisons avec les savants et les grands étudiants en sciences du monde entier, nous allons faire une brève introduction qui sera suivie d'une brève présentation du cheikh que nous avons appelé et ensuite la traduction du cours. Je vais un petit peu écourter aujourd'hui, mais on aura l'occasion de traiter plusieurs points au fil des jours pendant ce mois béni du mois de Ramadan, comme on a l'habitude de faire, des sujets qu'ils ont attrait au manhaj, à la méthodologie, le manhaj salafi qui est l'islam authentique, des points et des sujets dont chaque musulman a besoin, chaque musulman qui respecte sa religion, chaque salafi qui respecte son manhaj a besoin de connaître et de maîtriser. Ces sujets qu'on a l'habitude de répéter jusqu'à ce que certains peuvent même dire que nous les rabâchons, mais ce sont des sujets qu'il convient à tout salafi de connaître sur le bout des doigts, comme ils disent. Parmi ces sujets, on va traiter, juste pour énumérer certains d'entre eux, ce qui est en rapport avec les teskiyat, c'est-à-dire les recommandations, car c'est un sujet qui est très important, comme vous allez voir dans la brève présentation que nous allons faire du cheikh, comme toutes les présentations que nous faisons de tous les mashayikh que nous appelons. Aussi ce qui a attrait à ce qu'on appelle al-mufadala bayn al-ulama, c'est-à-dire le fait de préférer un tel parmi l'ulama à un autre, c'est-à-dire de dire un tel est plus savant qu'un tel, un tel est le plus savant dans tel endroit, un sujet qui est très important que nous allons traiter. Aussi le fait de vous mettre en avant pourquoi nous faisons ces appels tous les ans, quel est le bienfait, quelle est la chose qui est visée, quel est le but de ces appels téléphoniques et la manière dont on a de les faire. Il y a aussi un autre sujet qui est très très important dont les jeunes ont beaucoup besoin, c'est le fait de savoir qui est le savant. Car aujourd'hui, nous faisons des appels aux gens de science. Certains d'entre eux sont des savants, certains d'entre eux sont des grands savants, certains d'entre eux sont des grands étudiants en science. Et le musulman a besoin de savoir la différence et de connaître la différence entre le savant, l'alim, le grand savant, celui qui fait partie de Kibar al-Ulama, une parole qu'on entend beaucoup dans la bouche de certains, qui est parfois mal comprise, qui est parfois mal utilisée, alaykum bil kibar, revenez vers les grands savants, qui est une parole de vérité, qui parfois est mal utilisée ou mal comprise. Donc le fait de savoir et de connaître, de faire la différence entre les savants et les grands savants et les étudiants en sciences est une chose très importante, car certains points, certaines certains sujets auront besoin d'être traités par les grands savants. Il n'y a que eux qui s'occupent de traiter ce genre de sujet. Au moment où toi, tu reviendras vers quelqu'un qui est en dessous de cela, tu auras fait une faute dans ton manhaj. Pareillement, il y a certains sujets qui ne conviennent d'être traités que par les savants. Et au moment où tu reviendras vers des gens qui ne sont pas estimés comme étant des savants, tu auras commis aussi une faute. Aussi, on aura l'occasion de traiter le sujet. Là, j'énumère simplement ces sujets que aujourd'hui on va simplement rappeler le but de ces appels. J'énumère certains sujets qui seront traités tous les jours. Ce sont des sujets qui sont traités par nos mashayikhs dans ces appels et des sujets qui ont été traités au fil des années depuis toutes ces années où nous faisons ces appels, où nous proposons à nos mashayikhs tel et tel sujet pour qu'ils les développent. Ces sujets, à chaque fois, je vous renverrai vers certains cours qui sont enregistrés, qui sont traduits en français sur le site qui a été fait par les frères, le site ahledhikr.fr, comme sur la chaîne Telegram ahledhikr. Vous pouvez revenir vers ces cours qui sont enregistrés et profiter de ces enseignements qui nous ont été prodigués par nos savants. Donc là, aujourd'hui, j'énumère simplement ces points que nous allons traiter, des points qui sont très, très importants. Ce point que je viens de rappeler, je ne vais pas m'attarder dessus, simplement, sûrement qu'au prochain cours, je vais en parler. Je vais plus m'étendre sur le sujet, le fait de savoir comment nous faisons la différence entre un savant, un grand savant, un étudiant en sciences, puisque je sais très bien que c'est un sujet qui est souvent au cœur des discussions auprès des frères, auprès des jeunes, qu'ils ont besoin de savoir, de faire cette distinction, et qu'il y a beaucoup de dissensions entre les frères par rapport à cela, du fait que ce point-là est mal compris. C'est un point qu'on a eu l'habitude de traiter. Si vous revenez aux anciennes cassettes, vous trouverez ce point traité et retraité au fil des années. On va le répéter encore une fois pour que les gens profitent et pour que nous-mêmes nous profitions avant eux. Le but de ces appels, Havidakumullah, que nous faisons tous les ans depuis maintenant des années, depuis l'année 1433, c'est-à-dire depuis 7 ans. Des appels que nous faisons régulièrement, tous les 2 jours à l'époque, tous les 3 jours, aujourd'hui, toutes les semaines, on essaye d'en faire le plus possible afin que nous profitions tous un maximum pendant ce mois béni du mois de Ramadan, comme l'a rappelé notre cheikh aujourd'hui, Hafidhahullah, un mois où les bonnes œuvres sont multipliées. Et il n'y a pas de doute que parmi les meilleures des œuvres, le fait d'assister aux assises de science, le fait d'apprendre sa religion, et là, ce que vous faites ici, c'est bien cela. Vous venez talab al-ilm, vous venez apprendre votre religion, et vous venez apprendre la chose qui est la plus importante pour vous de connaître dans votre religion, votre manhaj, cette méthodologie, la voie de nos pieux prédécesseurs, al-manhaj salafi, qui est l'islam authentique. C'est ce que vous venez apprendre ici dans ces assises. Donc vraiment, je conseille les frères de ne pas prendre cela à la légère, de venir autant que possible avec un cahier, avec un stylo, de prendre note, d'essayer d'apprendre ce que vous apprenez ici, car c'est quelque chose de très très important. C'est la base même de votre religion, votre manhaj, la méthodologie, la voie qu'ont emprunté as-salaf as-salih, nos pieux prédécesseurs, dans leurs croyances, dans leurs adorations, dans leurs comportements, etc. La base même de notre religion, c'est ce que vous faites aujourd'hui, et vous l'apprenez auprès de qui? Pas avec le frère Abdus Samad, pas avec un frère qui a étudié, parfois avec un frère qui n'a pas étudié, malheureusement, mais ici vous l'apprenez avec des savants et des étudiants en sciences qui ont passé des années, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine d'années dans l'étude de la science, dans la da'wah ilallah tabaraka wa ta'ala. Et ces appels, donc c'est pour cela, nous les faisons pour vous mettre en contact avec ces savants et vous montrer que le fait d'être en contact avec ces gens de science, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de simple. Le fait d'être en contact avec eux, de prendre la science de eux, d'apprendre votre religion directement de eux, aussi, comme il sera traité dans le prochain cours avec notre cheikh Abdelrahman Kouane, qui sera demain à 3h30, Inch'Allah Ta'ala, cheikh Abdelrahman Aouf Kone de la ville de Médine, Hafidhahullah Ta'ala, sur le sujet de la langue arabe et l'importance de cette langue et le mérite de cette langue et la manière de l'apprendre et d'avancer dans l'apprentissage de cette dernière. Car aujourd'hui, je suis là pour vous faire un résumé du cours et traduire ce résumé Je ne me prétends pas être un traducteur, mais faire un résumé de ce qu'on a pu entendre et faire la traduction. Beaucoup d'entre vous, alhamdoulilah, vous apprenez la langue arabe, vous avez peut-être compris tout le cours, pour certains d'entre vous la moitié du cours, pour certains d'entre vous un quart du cours, certains d'entre vous n'avez pas compris du tout le cours en arabe, et ça, ce n'est pas un mal, mais on vous pousse toujours à apprendre la langue arabe afin de faire sauter ces barrières-là et de plus avoir besoin de personnes comme nous, qui sommes, nous, des étudiants en sciences, walillah alhamd, et qui, notre rôle, comme nous le dit ce grand savant, Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il lui a été posé la question, ça c'est une question qui est très importante, et par le qadar d'Allah azawajal al-ajib, cette question a été posée par des gens de France, il y a des années auparavant. Pourquoi ce qadar d'Allah qui est ajib? Car c'est une chose qu'on ne voit pas vraiment être pratiquée en France, sauf par certaines personnes, alhamdoulilah, il y a des frères alhamdoulilah qui pratiquent cette chose-là, mais pour vous dire que c'est une chose qui est très peu pratiquée, le fait que, quand on lui a posé la question, quel est le rôle des étudiants en sciences, il a répondu, ce grand savant, rahimahullahu ta'ala, leur rôle est de mettre les gens de la masse, les jeunes, en relation avec les savants. C'est bien ça le rôle des étudiants en sciences, et c'est ce qu'il nous convient de faire. Pas de mettre en relation les gens avec nous, que les gens s'attachent à nous, que les gens, une fois qu'ils ont besoin de quelque chose, reviennent vers nous, plutôt que s'ils viennent vers nous, c'est pour qu'on leur facilite l'accès aux savants, pour qu'on leur traduise quelques mots qu'ils n'auront pas réussi à traduire dans leurs questions, peut-être leurs questions en entier, mais toujours les pousser à avancer, à faire sauter ces barrières et à apprendre la langue arabe. On les envoie aussi vers des savants qui, eux, comprennent et parlent la langue arabe, comme par exemple ce savant Cheikh Mohamed Ali Farkous en Algérie, et autres que eux parmi les savants qui peuvent comprendre la langue arabe ou qui ont des élèves qui sont francophones, vers qui vous pouvez revenir. Voilà, donc ces appels, c'est vraiment cela le but. Le but aussi est de vous faire découvrir vos savants, les savants de ce manhaj, les savants salafis. Vous les faire découvrir, car il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui sont leurs savants. Si tu leur parles qui sont les savants, ils connaissent 2-3 noms, et voilà. Et ils ne les connaissent pas réellement, ces savants. Peut-être des choses qu'ils ont entendues. C'est pour cela aussi que nous faisons toujours une brève présentation du cheikh que nous avons appelé. Et une chose très importante aussi, le fait de mettre en avant, même une chose qui est plus importante encore que cette brève présentation, le fait de mettre en avant qui sont les savants qui l'ont recommandé. Et cela, nous le faisons sur la parole de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, et d'un grand nombre de salaf, radhiyallahu alayhim, qui a été rapporté d'un grand nombre de salaf, radhiyallahu alayhim, qui est cette parole: Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. Pour cela, je vais, bien sûr, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, écourter cette introduction. Donc je vais m'arrêter ici pour l'introduction. Inch'Allah, on reprendra demain avec ce sujet. Inch'Allah, j'espère traiter ce sujet encore une fois par rapport à la différence entre les savants et les grands savants, vers qui revenir, à quel moment, Inch'Allah ta'ala, pour l'introduction. Donc là, on va commencer la présentation de notre cheikh, Cheikh Abdel Qader Al-Junaïd. Je vous renvoie aussi vers l'audio qui a été enregistré il y a quelques temps, qui a été avec notre cheikh et notre père Hassan ibn Abdel Wahhab Al-Banna, Hamidahullah Ta'ala, le père des salafis d'Égypte et notre cheikh à tous. Ce cheikh chez qui moi personnellement j'étudie depuis une dizaine d'années aujourd'hui, Wallah Alhamd, en Égypte, qui était professeur de Aqidah pendant 14 ans à l'université de Médine, qui faisait partie des amis et proches de Cheikh Al-Albani, rahmahullah, de Cheikh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, et autres que eux. Et cet audio qui a été enregistré il y a quelques temps, qui a été le premier audio de cette série d'appels cette année, qui était uniquement sur la radio, donc pas à la mosquée. Et on aura sûrement l'occasion de revoir notre Cheikh, soit pendant le mois de Ramadan, soit un petit peu après le mois de Ramadan, jusqu'à mon départ, Inch'Allah ta'ala, qui est un conseil très précieux, qui a duré peu de temps, mais qui est un conseil très précieux que vous retrouverez. Je pense que les frères l'ont mis sur le site Ahl al-Dhikr, en tout cas il est sur la chaîne Telegram Ahl al-Dhikr. Je vous conseille de revenir vers ce conseil, car il est vraiment très précieux, surtout dans ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Walhamdulillah, revenez vers lui et profitez de ce conseil aussi pour savoir qui est ce cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab. J'ai fait bien sûr sa présentation comme je l'ai fait à maintes et maintes reprises durant toutes ces années, car il a l'habitude de nous donner le kalima, de nous donner le cours. Notre cheikh que nous avons eu aujourd'hui, cheikh Abdel Qadir ibn Mohammed al-Junaïd, c'est un des mashaykh de la ville de Dammam en Arabie Saoudite. C'est un des mashaykh qui est connu auprès de nos savants, qui a étudié auprès de Cheikh l'Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahmahullahu ta'ala, qui a étudié aussi auprès de Cheikh l'Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahmahullahu ta'ala, et autres que eux parmi les grands savants de qui il a pu profiter. Parmi ces savants aussi chez qui il a étudié, Cheikh l'Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, حفظه الله تعالى ومتع به, qui lui-même le recommande et envoie ou renvoie vers lui et conseille de prendre la science de lui. C'est quelqu'un qui a passé de longues années dans l'étude de la science et de longues années dans la da'wah et dans cette ville de Dammam. Voilà une des choses pour laquelle ou sur laquelle nous essayons de mettre un point et d'attirer l'attention des jeunes, le fait que dans ces appels, vous verrez que nous avons l'habitude de ne pas appeler des mashayikhs du même pays ni de la même ville, afin que chacun d'entre nous vient d'un pays différent. Chacun d'entre nous peut-être désire aller étudier et parfois ira étudier dans un pays différent. Donc il nous convient de savoir au moment où tu vas voyager vers un pays, que ce soit pour habiter dans ce pays, étudier dans ce pays, car vous, comme vous connaissez l'obligation pour beaucoup d'entre nous de la hijra, de l'immigration, de revenir vers les pays musulmans, quand les conditions, en fonction des conditions de cela, les conditions de rester dans les pays de mécréance. Donc comme vous savez, la hijra est une chose qui à la base est obligatoire pour tout musulman. Donc à partir de là, comme nous sommes de pays différents, nous sommes amenés à voyager vers nos pays respectifs, voyager vers certains pays pour apprendre la religion, voyager vers certains pays pour aller visiter les savants, voyager vers certains pays pour faire le hajj ou la umra. Comme, donc bien sûr à Mecca, quand vous partez à Mecca, généralement vous allez visiter la ville de Médine, etc. Donc à partir de là, il te convient de savoir qui sont les savants dans tel et tel endroit. Certains d'entre nous vont partir travailler, peut-être des frères, il y en a, des frères de France qui vont travailler dans la ville de Riyad, en Arabie Saoudite, et pas très loin de la ville de Riyad se trouve la ville de Dammam. Pareil la ville de Jubail, qui est pas très loin, où il y a ce cheikh qu'on espère avoir cette année, le cheikh Mohamed ben Ramzan al-Hajiri, Habidahullahu ta'ala. Et donc ça, c'est des endroits que peut-être tu n'as jamais entendu parler de quelqu'un dans cet endroit. Donc c'est pour ça que nous te mettons en contact avec ces mashayikhs qui sont dans telle et telle ville. Certains d'entre vous viennent de tel ou tel pays. On vous fait connaître les mashayikhs de vos pays, car peut-être tu n'en as jamais entendu parler. Alhamdulillah, au moment où tu vas voyager vers cet endroit, tu sauras d'entrer vers qui descendre et vers qui profiter et prendre la science de par ses présentations et de par ses appels que tu auras pu assister. Walillah alhamd wahdahu. Au fil des années, il y a eu beaucoup de frères qui sont venus assister, qui après ont fait cette démarche de partir étudier. Et certains frères m'ont contacté, certains frères m'ont contacté dans les pays où ils sont partis, certains frères que j'ai vus directement en Égypte avec nous, qui m'ont dit, si ce n'était pas par l'intermédiaire de ces appels téléphoniques, je n'aurais jamais connu ces savants vers qui j'ai étudié, vers qui je suis descendu au moment où où j'ai voyagé vers tel et tel pays, et de qui j'ai profité, et qui m'ont évité de tomber dans beaucoup de problèmes et parfois d'interdits. Car la relation que tu as avec les gens de science, c'est une relation très importante pour le musulman, car dans cette relation que tu as avec les gens de science, tu mets en application l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il a évoqué dans deux versets différents de son livre, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc ce cheikh, comme je viens de vous le présenter, cheikh Abdel Qadir ibn Muhammad al-Junaid, est toujours sur cette parole, inna hadha al-ilm dinun fanduru a man ta'khuduna dinakum, certes cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Il t'est un droit de demander qui est cette personne que nous allons appeler, qui est cette personne vers qui je vais m'asseoir, qui est ce frère vers qui je vais prendre des cours, qui est ce frère qui nous fait même la traduction, qui est ce frère de cette traduction que tu m'envoies sur le WhatsApp, etc. Qui est cette personne, qui est cette personne, c'est ton droit. Et c'est ton droit, et parfois même, ou bien souvent, c'est une obligation de savoir qui est cette personne de qui tu vas apprendre ta religion au moment où toi et plusieurs parmi les ulama. Ils parlent de cela, ils ont l'habitude de le rappeler, et surtout l'ulama qui donne des cours dans la mosquée de Médine, dans la mosquée du prophète Sassam ou la mosquée de Mecca, car ils ont l'habitude de voir des gens qui viennent pour la Umrah et des Hujjaj, qui eux vont demander à n'importe qui des avis religieux. Ils ont l'habitude de mettre l'accent sur cela, et de mettre un point sur cela. de dire quand c'est pour ta voiture, tu vas demander sur tel et tel mécanicien. Quand c'est pour ta santé, tu vas demander sur tel et tel médecin. Mais quand c'est pour ta religion, tu vas te contenter de voir un frère qui a une barbe, qui a un khamis, etc. Et tu vas aller vers lui pour lui demander. Parfois, c'est exagéré, mais il y a des gens qui font comme cela. Parfois, chez des frères qui, eux, ont appris un petit peu du manhaj, ils ne tombent pas dans cela, mais tombent sur quelque chose d'autre. Ils vont chez quelqu'un, prendre des cours ou assister à un cours, une traduction, etc. Mais ils n'ont pas fait cette démarche de demander qui il est. Que ce soit lui directement ou si tu as honte de demander aux frères qui sont là. Et faire attention à ce que les frères qui sont là, ils te disent. S'il te dit, oui, je crois qu'il a étudié dans tel endroit, toi, ce n'est pas suffisant pour toi. C'est ta religion que tu viens apprendre. Ton manhaj, cette chose sur laquelle tu seras interrogé dans ta tombe. Donc, il te convient de faire attention à cette personne. Au-dessus de cela, qui le recommande ? Qui sont, chez qui il a appris parmi les gens de science, est-ce que ces gens de science chez qui il a appris, s'il a appris chez des gens de science, est-ce qu'ils le recommandent? Est-ce que les frères qui, eux, étudient au même endroit, qui sont connus auprès de nous comme étant des frères salafis, ou alhamdoulilah, qui ont un bon manhaj, est-ce qu'eux, ils disent de bien de ce frère-là, ou c'est un frère qu'ils ne connaissent pas, qui ne se mélangeait pas avec eux? Faites attention les frères, le salafi, il se mélange avec ses frères. Le salafi ne reste pas en marge comme cela et on ne le voit pas, il n'a pas de relation avec ses frères. Ça, ce n'est pas normal. Donc voilà, ça c'est une chose qui est très importante. C'est un sujet qu'on aura l'occasion de traiter dans ce qui est en rapport avec Et-Teskiyat, c'est-à-dire les recommandations des gens de science, etc. Comment se fait cette recommandation ? Sujet que nous avons beaucoup traité au fil des années, que nous allons traiter aussi pendant ces appels. Donc ici, le plus important ici, au-dessus de cette brève biographie, de savoir que ce cheikh a étudié parmi les imams de ce siècle, le fait de savoir que des grands savants, parmi eux cet imam, l'imam Rabi ibn Hadi al-Matr Ali Hafidahullah, le recommande et renvoie les jeunes vers lui pour apprendre la science. À partir de là, tu es apaisé, tu as fait ce qui était obligatoire dans ta religion, tu as su que l'ulama recommande cette personne-là, donc tu peux prendre de lui la religion. Le shaykh, après avoir fait les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala et les salutations sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme en guise d'introduction, après cela, il a commencé à nous dire que parmi les heures les plus importantes pour le musulman sont les heures qu'il passe avec le livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran. Lorsqu'il le lit, le récite, le psalmodie, lorsqu'il l'apprend, que ce soit de le mémoriser ou d'apprendre les règles de sa récitation ou les règles juridiques qu'il renferme, cela sont les meilleures heures qu'il passe dans sa vie. Le shaykh nous conseille donc de suivre cette voie, la voie du Coran, la voie de l'apprentissage et de la récitation du Coran, et en particulier pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Le shaykh nous dit de s'encourager et de s'encourager soi-même et donc de s'encourager les uns les autres à cela. Les vieux comme les jeunes, les femmes comme les hommes, comme les enfants. Il est important de faire de nos maisons et des endroits, c'est-à-dire de nos montures, c'est-à-dire jour d'aujourd'hui la voiture, etc., d'en faire des lieux de récitation du Coran. Et le shir de nous dire que la récompense est multipliée pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Car la récompense, Allah Azza wa Jalla a fait que la récompense pour les œuvres est multipliée en fonction des temps, des périodes, des saisons, comme la saison du mois de Ramadan, comme les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, etc., comme par les endroits. La récompense est multipliée en fonction des endroits, comme la Mecque, comme Mecca, comme Al-Médina, etc. Et le shir de nous dire que ceci est la voie que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de suivre, la voie du Coran pendant le mois de Ramadan, le fait qu'il se tournait vers le Coran pendant ce mois en particulier, et que c'est un mois où Jibril alayhi salam venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui faisait réviser le Coran. Comme il a été rapporté dans As-Sahihayn, le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam muslim, An ibn Mas'ud radiallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus comment dire celui qui dépense beaucoup, qui est généreux. Voilà, jazakallahu khair. La personne qui était, c'était la personne du prophète sallam la plus généreuse, et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et il a rencontré Jibril toutes les nuits afin qu'il lui fasse réviser le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens de science, comme nous le dit notre cheikh Hafidhahullah, les gens de science nous disent qu'il y a dans ce hadith une preuve que pendant le mois de Ramadan, que le mois de Ramadan est un moment propice à la multiplication de la lecture du Coran. Et comme cela, ils nous disent, d'après ce hadith, que c'est un moment propice, et parmi les preuves aussi qui nous montrent que ce mois-là est un mois, est un moment propice pour la lecture du Coran, le fait que le Coran a été révélé pendant ce mois. Comme Allah Azza wa Jalla le dit, dans le sens approximatif de ces paroles, le mois de Ramadan dans lequel nous avons fait descendre le Coran comme guidé pour les gens. Ensuite, le cheikh nous dit que il a été rapporté de Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, radiallahu anhuma, d'une manière authentique, qu'il dit que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Coran pendant le mois de Ramadan en entier, jusqu'au ciel le plus bas. Puis, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son envoi, après al-bi'atha, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'Allah azza wa jalla l'ait élu par le message, al-risala, il l'a fait descendre le Coran sur lui, petit à petit, en fonction de ce qui se passait dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de légiférer la religion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et pour nous, jusqu'à la fin des temps. Le cheikh doit nous dire que nos pieux prédécesseurs étaient avec le Coran pendant ce mois d'une manière très particulière. Ils y prêtaient une très grande attention, comme ils n'y prêtaient pas une attention dans le reste de l'année. En effet, il a été rapporté d'une manière authentique de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, de lui qu'il lisait le Coran tous les trois jours pendant le mois de Ramadan. Le cheikh nous dit que qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il finissait le Coran 10 fois pendant le mois de Ramadan. Abdullah ibn Mas'ud, qui faisait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus savants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit aussi notre cheikh, hafidhahullah ta'ala, qu'il a été rapporté d'une manière authentique de Ibrahim al-Nakhai, qui faisait partie des imams de At-Tabi'in, qui rapporte de Al-Aswad, qui lui-même faisait partie des grands imams de At-Tabi'in et des grands fuqaha de At-Tabi'in, ainsi que des pieux de At-Tabi'in radiyallahu anhum ajma'in, que ce dernier Al-Aswad, il avait l'habitude pendant le mois de Ramadan de faire des efforts dans la lecture du Coran afin de pouvoir le terminer toutes les deux nuits, c'est-à-dire, comme nous le dit le cheikh, qu'il terminait le Coran 15 fois par mois, 15 fois pendant le mois de Ramadan. Ensuite, le cheikh nous rappelle un athar qui est rapporté par Abdelrazzaq dans son Musannaf, où il rapporte de Ibrahim al-Nakhai que lui-même lisait le Coran tous les trois jours pendant le mois de Ramadan, et une fois qu'il arrivait aux 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il le lisait toutes les deux nuits. Et il faisait al-ghusl, le bain rituel, le lavage rituel, toutes les nuits. C'est-à-dire qu'il lisait le Coran, comme nous le dit notre cheikh, toutes les trois nuits jusqu'aux 10 dernières nuits. Ensuite, pendant les 10 dernières nuits, il le lisait 5 fois, c'est-à-dire toutes les deux nuits. Il nous rappelle aussi notre cheikh, hafidhahullah ta'ala, que l'imam al-Bukhari lisait le Coran et le terminait toutes les nuits pendant le mois de Ramadan. Comme il a été rapporté par l'imam Shafi'i, que ce dernier lisait le Coran tous les jours et nuits, deux fois, c'est-à-dire une fois pendant la journée, une fois pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il lisait le Coran et le terminait pendant le mois de Ramadan 60 fois. Et le cheikh doit nous dire, comment n'en serait-il pas ainsi C'est-à-dire, comment nos salafs, radhiyallahu anhum, ne seraient-ils pas ainsi avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant ce mois, et c'est bien le mois dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait descendre. Et c'est bien le mois où Jibril alayhi salam venait visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire réviser le Coran jusqu'à ce qu'il vienne l'année de sa mort, et lui a fait réviser deux fois pendant ce mois. Et le shir de nous dire, et comment n'en serait-il pas ainsi alors que c'est le mois où les œuvres de bien sont multipliées. Le shir nous conseille donc d'apprendre le Coran, car comme il est rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit que le Coran, il sera, ou il dit, apprenez le Coran, car certes, il est écrit pour chaque lettre que tu lis du Coran, 10 hasanat, 10 bonnes œuvres. Et pour chacune de ces lettres que tu lis, il te sera pardonné 10 sayyi'at, c'est-à-dire 10 mauvaises actions. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais plutôt que Alif est une lettre, Mim est une lettre, Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Le shir de nous dire que ceci, regardez bien mes frères, c'est une récompense grandiose. Une récompense grandiose pour chaque lettre que tu auras lue du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et qu'en est-il lorsque tu lis le Coran pendant le mois de Ramadan où les œuvres de bien sont multipliées? Sachant que le hadith que, entre parenthèses, donc ça c'est de ma parole, entre parenthèses, le hadith qui a été rappelé précédemment, c'est un hadith qui est général pendant le mois de Ramadan et autre que le mois de Ramadan. Après cela, le shir de nous dire, qu'en est-il alors lorsque tu lis le Coran pendant le mois de Ramadan, ce mois où les actions sont multipliées? Pour le shir de nous dire, hamidallah ta'ala, qu'il a été rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas, excusez-moi, radiyallahu anhuma, où il dit que le fait que tu sortes au souk, au marché, ou que tu sortes dans un besoin, yani pour chercher un besoin ou régler un de tes besoins, ceci ne t'empêche pas de lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nous donne le conseil de ne pas être détourné de la lecture du Coran, même si nous sortons au marché, même si nous sortons pour un besoin, de toujours rester avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir a terminé cette brève allocution qui était très bénéfique, jazakallahu khairan, par le fait de nous rappeler qu'il a été effectivement rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est authentique, l'interdiction de lire le Coran en moins de 3 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que celui qui le lira en moins de 3 jours, dans le sens approximatif de ses paroles, qu'il ne le comprendra pas. Donc il nous a montré, il nous a informé pourquoi a-t-il interdit de lire le Coran en moins de 3 jours, car cette personne ne le comprendra pas. Le shir nous rapporte ici la parole de ce grand savant, Al-Hafid ibn Rajab Al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, qui dit, dans le sens approximatif de ses paroles, cette interdiction a été rapportée pour celui qui a cette habitude de lire le Coran en moins de 3 jours. Pour celui qui a l'habitude de lire le Coran en moins de 3 jours. Donc l'interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans ce hadith de lire le Coran en moins de 3 jours pour celui qui aurait cette habitude de lire le Coran tous les jours en entier ou tous les 2 jours, en moins de 3 jours. Mais, comme le dit Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, mais lors des moments préférés, les saisons préférées, comme le mois de Ramadan, ce mois où se trouve Laylat al-Qadr, la nuit du destin, comme ils le traduisent communément en français, ou dans des endroits préférés, comme Mecca ou Al-Medina, eh bien, à ce moment-là, le musulman devra profiter de ces instants et de ces endroits pour multiplier sa lecture du Coran. Et le shir de Al-Hafiz ibn Rajab de terminer cela et de dire que ceci est la parole de l'imam Ahmed, de l'imam Ishaq, Nurahawai, et de un grand nombre des imams de Salaf parmi les Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et le Shir nous a terminé sur cette parole, un détail qui est très important ici. Jazakumullahu khayran wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.